Voici les instants classiques. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 13 janvier 2014. Ben, c'était une tradition québécoise versus française versus américaine. Genre. Ouais. Parce qu'on sait que ta mère est française, donc peut-être que. Ouais, c'est ça, ça n'a rien à voir. Non, c'est juste pour le plugger tout le temps. C'est ça. T'es tellement fendant avec ta mère française. Ben oui, c'est ça. Oui, moi, tu sais, moi. Écoutons Sid the Well et leur nouvel extrait du palmarès anglophone, c'est Willow. Willow, Willow. You say goodbye, I say Willow. 8h55 secondes, presque 8h01 si on est patient. 2, 1. 8h01! Bon, 8h01! Ça va me pimper, ça. Te pimper, hein? Ça va me pimper pour la journée. Pas de pomper, là. Non, pimper. Pimper. Ok, c'est quand tu portes un gros chapeau mauve à poêle. Exact. Comme toi, t'es à poêle et t'as un chapeau mauve. Pas un chapeau mauve. Mathieu, j'ai déjà dit de pas me dire. De pas dire à tout le monde que je suis tout nu. Bon! C'est mon petit dada. Outrage. Tous les matins. Climaphobie, c'est la peur de s'embrasser, d'embrasser quelqu'un d'autre. Gros câlin, gros bisou. Ça ressemblait à ça. Ouais, vraiment. Assemblage requis. Mais je parlais pas. Non, t'as raison, tu parlais pas. Mais les gens de la maison parlaient. Ah! J'ai comme t'entends. Troisième sens. Maman, je veux des céréales! Tu ne rendras pas. Écoute une chanson. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde, deux chroniques en même temps. Tel les couilles de quelqu'un qui a. Hein? As-tu vraiment dit ça? Peut-être. Ah, ouais. Waouh! Waouh! Waouh! J'aurais jamais pensé que t'allais dire ça de même, ça! Ouais. Pédophile. Ah, ok. Pervers. Bon, on fait pédophile, pervers, je pense que les deux vont ensemble. C'est comme un. Ça va, c'est. C'est lourd, Mathieu. C'est la deuxième fois qu'il y a ça. C'est super bon, pareil. Quasi, on va aller pratiquer notre impro pour être meilleur. On va aller à la salle Rodolphe, Mathieu. Fait que j'aurais dû faire la blague. Colin, vous allez roder votre show à Rodolphe. Roddy, rod, rod. Mais je l'ai pas fait. Comment? Je trouvais qu'il était bon. Roddy, rod, rod. Mathieu, c'est un peu comme RBO. Je sais pas si t'as vu le sketch, le retour du vieux stock. Non. Ben, c'est ça. Yay! Yeah! C'est pas pire, hein? Ouais, tu l'as bien, quand même, pas pire. Je me mets avec le temps, tu vas pouvoir quasiment remplacer Stéphanie si elle est malade un mercredi ou un jeudi. Elle va pouvoir me remplacer un mardi. On va faire des switches. On va avoir un tableau, là. Puis là, des fois, le mardi, je serai pas là. C'est elle qui va être là. Okay. Puis là, moi, je vais être là le jeudi. Puis là, je suis en train de faire semblant de dessiner sur un tableau. Est-ce que tu m'entends, monsieur? Ça a l'air vrai, oui. Oui, et ça va être à côté du tableau jour depuis le dernier accident. Oui. Depuis 97. Activez votre santé avec un point d'exclamation très important à 8 heures. Oui. Je pense que je vais demander un spécial qui fasse un quiz juste pour tester tes connaissances. Et bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Non, je ne sais pas. Si c'est dedans à la maison, peut-être. Des jeux de société. Dans une prochaine chronique, on va vous expliquer en quoi consiste le cours de fesses de fer. Parce que Mathieu a de l'air perplexe. Non, j'ai des fantasmes. Un robot, Mathieu? Tu tripes sur les robots? Bien huilé. Hein? Okay. Des fois, t'as du vernis sur les ongles. Est-ce que t'en as aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Quand on va dans une grande surface, ma copine me met du vernis des fois pour les tester. OK, c'est en grande surface qu'elle a déjà du vernis. C'est ça? Elle met pas un vernis sur ma grande surface. Ta bédaine? Oui. Merci. Je vais rester en position chaise sans ma chaise. Ah, 5 secondes. Moi, après 30 secondes, j'ai toujours les cuisses qui me shake là, pour dire que j'ai le Parkinson. Ouais, mais la magie là-dedans, c'est que t'en fais 30 secondes, puis le lendemain, t'en fais 10 secondes de plus. Puis le lendemain, t'en refais 10 secondes de plus. À un moment donné, faut que t'arrêtes parce que là, t'es un petit peu laqué. 30 jours après. Oui, hey, non, mais tu donnes une petite journée de pause par semaine. Prendre un jour de congé, c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur, ça fait mal. Quand tu déménages souvent, t'es un nomade, OK? Oui. Ou une famade, c'est comme tu veux. Une quoi? Une famade. Un nomade. Une famade, le féminin d'un nomade. Genre, ouais, tu comprends? C'est quoi? Oui, je la comprends. C'est bon. J'aime ça. Merci. C'est quasiment intelligent. La courbure des lèvres liée aux pattes doigts des yeux, évidemment, était liée à six émotions de base. Donc, t'as pas de doigt de me dire ça. Pas de doigt. T'as pas de doigt de me dire oh, ça. Boy. T'as pas le doigt. C'était pas pire, je trouvais. La jupe qui existe depuis la nuit des temps, là, qui était portée par des prophètes. Qui existe depuis, je ne peux plus me rappeler depuis quand? Jupe. Ça fait très, très longtemps. Deux sports où on voit des jupes courtes, donc avec une raquette, triple boucle piquée, salto. Patinage artistique. Non, moi, ça confirme, c'est le sex kinky. Non. Une balle. Toi, tu fais des triples boucles piquées. Deux balles et une petite chute. Des arabesques. Ouais. Dans ta vie sexuelle. Ouais. Peut-être. Tu devrais réinventer le Kamasutra, mon cher. C'est là que ça va être le Kamasutra. Kamasutra. C'est pas parce qu'il dit plusieurs fois, hein, fait que t'es mis ensemble, ça fait. T'es additionne. Un pluriel. À partir de deux, c'est ce pluriel. C'est un groupe. Comme à partir de deux bœufs. C'est un troupeau, à partir de deux bœufs. Je sais pas. Moi, je dirais que, tu sais, en anglais, chaque animal, quand t'es mis en groupe, ils ont tout un nom spécial. C'est une tribu de quelque chose, une school of quelque chose. Tu sais, il y en a plein. Il y en a des centaines. Il y a ça sur Internet, une liste de ça. Ah. Mais quand tu dis plusieurs bœufs, moi, je dirais, moi, je les appellerais une peur de bœufs. Parce que, tu sais, bœufs! T'as peur. Ah, mais c'est pas drôle. Non, je sais. Moi, je te parle super sérieusement. Tu sais, quand t'essayes vraiment solide d'éviter un trou d'eau, puis finalement, ben, tu te mets le pied dedans. Oh. Tout ça pour ça? Tout ce qu'on. Tout pour ça? C'est ce que. Oui. Tout ça pour ça? Ok. Tu sais que d'ici, je peux t'aplatir la face complètement? Sais-tu que si je me lève puis j'y vais, là, je peux t'aplatir la face pour vrai? C'est ce que ça ferait? Ça donnerait une belle petite consistance? Genre, ça sonnerait un petit peu que ça ferait comme un genre de pudding? Ou. Avec ta face? Ouais. C'est une face de pudding, c'est ça que ça veut dire. J'essaie de nous amener vers... Elle est blanche et molle. Bon, c'est ça. Oui, merci. Avec fruits au fond. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais là, mon chum me dit, hey, il serait fun qu'on fasse de quoi? On reste écœuré d'être en avant de la TV. Genre, ben tabarouette. On va en profiter, certain. Mais je sais pas ce qu'on va faire encore. Je sais pas, là. Il me semble que je t'insulte souvent. En effet, moi je retiens les histoires pas de punch, là, je trouve que c'est une idée de génie que tu as eue là. Ah, merci. C'est pas mal grâce à toi. Une chance que tu chantes bien, ça met l'accent sur tes compétences. Sur mon falsetto. Mais c'est ça, c'est un autre travail d'équipe. Hein. Toi pour l'idée, moi pour la chanson, Danny pour le montage de ça, sauf JP qui rejette un petit peu là-dedans, désolé pour lui. Bon, pas tant que ça, aussi avec les péripéties de JP, oui. J'ai eu l'idée, tu fais le montage, Danny nous enregistre, mais le sujet c'est quand même JP. Et voilà, donc travail d'équipe, tout le temps. Ben oui. Tantôt, dans les essais classiques, j'ai fait une blague de bœuf. J'ai dit une peur de bœuf, comme dans bœuf, puis là, t'as peur. Ben oui. J'aurais dû dire à la place la blague, je refais ma blague. Ça a dû être, ben, une gang de bœufs. Tu t'appelles ça un air. Un air de bœuf. Tu vois? Ben oui, c'est drôle. Ça a été pas mal plus drôle. Le public aurait vraiment aimé ça. Puis je reviens en arrière de quelques secondes. Ouais. Histoire pas de punch, ouais. Là. C'est pas vrai que JP est out de ça. C'est lui qui fait les histoires pas de punch, puis qui m'a inspiré histoire pas de punch. C'est vrai. JP, c'est une muse. Oui. Il nous amuse. Il nous a. Est-ce que t'as fait cette blague-là? Non, j'aurais pas dû. Hein? Non. Histoire pas fine. Donc voilà pour les essais classiques d'Assemblage requis. Écoutez-nous du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Lundi, mardi, c'est avec JP, Jean-Philippe Charbonneau. Et mercredi, jeudi, avec Stéphanie Paradis, SP. SP. JP, SP. Aspire, XP. Aspire, XP. SP. Ah, là, tu t'entraînes trop pour moi, je comprends rien de tes affaires. Je m'entraîne trop. Respirer, comment tu fais ça encore? Hein? Ah, ça fait du bien, ça. Ça passe bien quand je fais ça. Donc voilà, pour Assemblage requis, assemblagerequis.com pour les balados diffusion, cif.ca pour la programmation complète, et puis ça fait le tour des infos que j'ai à vous donner. Mais pareil qu'il faut pas trop lire en détail ce qu'il y a sur la page d'Assemblage requis. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour ma propre référence personnelle. Et puis là, tu sais, JP, il va jamais là-dessus. Il va une fois de temps en temps checker les affaires dans des chroniques. Là. Mais toi, tu y vas, puis tu lis chaque affaire vraiment en détail. T'sais. Puis là, tu me dis, ah, il y a une faute. Ça, tu n'aurais pas dû l'écrire parce que ça va voler le punch. Ça va pas voler le punch. Il n'y a personne qui va aller voir ça. Come on. Come on. Oh, mais moi, j'ai le souci du détail. Ouais. Probablement que ça fait pas assez longtemps que je le fais. C'est ça. T'es pas encore blasé. T'sais. Pas que quelqu'un d'autre est blasé. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est que, toi, c'était le souci du détail. Moi, j'ai le souci de faire ça littéralement pendant qu'on est en train de faire l'émission le matin. Donc, je suis un petit peu dernière seconde, des fois. Ça arrive. Juste des fois. Une fois en 715 émissions, c'est pas ce que. 715. En fait, c'est parce que je savais pas combien, fait que j'ai comme moffé un petit peu mon affaire. Attends un peu. Combien de. C'est pas 660. 649, oui, je te l'ai dit tantôt, c'est l'émission 649 à matin. Ah, oh, ben oui, c'est vrai. On aurait dû se prendre un bingo, un loto bingo. Un loto bingo. Ou un 649. Hey, la 666e émission, ouais. Là. Faudrait que ça soit Devil un peu. Là. OK. One. Là, moi, je te brainstorm ça oh comme non. Live. J'aime ça à date. Ça fait très behind the malaise. Alors, on va se trouver de quoi. C'est ça. À surveiller. Il faut vraiment voir si ça va être toi ou JP qui va co-animer ça. Mmh. Oh, mais là, si c'est pas moi, je vais être là. OK, parfait. C'est sûr. On s'en reparle, man. J'allais dire, ça serait là, c'est un vendredi 13, mais il n'y a pas d'émission le vendredi. On bump les meilleurs moments. Fuck Danny. On prend sa place entre 7h et 10h. Mais non, cela étant dit, bonne occasion pour faire une plug. Hein? Vendredi matin à 7h et samedi vers les midis, c'est les meilleurs moments de C'est fou dans ce qu'on appelle le meilleur de C'est fou. Là, Air Guillemette. Des Air Guillemette. Guillemette. Guillemette. Mets l'accent à bonne place.